بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتي بار أبو تيمية خليل المرتنيكي حفظه الله تعالى. سيزيام لوسون. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc hier on avait pris ce qui touche à la quantité d'eau, quand est-ce qu'elle se voit souillée ou pas. Il y a un elmé kullatayn, alam yahmil al-habath. Le kulla, on avait dit que c'était un jar. Les deux ensemble, ça équivalait à peu près à une quantité de entre 150 et 200 litres. Plus précisément, c'est plus proche des 160 litres. C'est plus proche des 160 litres. 160. Ouais. Ça reste toujours approximatif. Hein. Et qu'en fait, la parole finale, c'est que tant que qu'elle soit en grande quantité ou en petite quantité, tant que ses caractéristiques, trois qui sont la couleur, l'odeur et le goût, ne changent pas, l'eau reste tahour. Bien qu'il y avait un khilaf. Maintenant, on va prendre le hadith 5e. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. Donc selon Abu Huraira, que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit qu'aucun d'entre vous ne se lave dans l'eau stagnante alors qu'il est Junub, c'est-à-dire l'état de Janaba, souillure majeure, rapporté par Muslim. Et pour le Bukhari, qu'aucun d'entre vous n'urine dans l'eau stagnante, celle qui ne coule pas, pour ensuite s'y laver. Wal Abi Daoud, wala yaghtasilu fihi min al-Janaba. Qui ne s'y lave pas de la janaba, de l'état de souillure majeure. C'est-à-dire, en fait, Abu Daoud, c'est quoi? C'est une continuité du hadith de Bukhari. C'est, en fait, la yabulanna hadukum fil ma'i da'im, alladhi la yajri, wa la yartasil fihi min janaba. Et à partir d'Abu Daoud, en fait, c'est une partie du hadith de Bukhari. Là, ils ont juste coupé la partie tombée à part. Le début, c'est le même, la face, celle-là. Donc في قوله dans le hadith al-Bukhari ثم يعني الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الداهم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الآن القطعة ثم يغتسل فيه، c'est-à-dire qu'aucun d'entre vous n'urine dans l'eau stagnante, celle qui ne coule pas, qui ne s'écoule pas. Hein? Pour ensuite pouvoir se laver dedans. En fait. Yani huna, le summa, ensuite il est venu, bimarna, ou l'estibad. Mana estibad. Yani c'est une chose qui n'est pas concevable. Que tu urines dans de l'eau, pour en plus, pour, car il se peut qu'après tu en aies besoin, quoi, de façon quelconque. C'est comme dans le hadith, al-Muttafaqun alayhi, selon Abdullah ibn Zama'a, un Nabi sallam qui a dit: La yadrib ahadukum imra'ata darb al-ama, thumma yudaji'uha. Qu'aucun d'entre vous ne frappe sa femme comme il frapperait sa servante, car ensuite, il y a un dans le sens, c'est-à-dire qu'ensuite, il voudrait avoir des rapports avec elle. En fait, c'est pas le ensuite, ensuite il fait. Dans le sens, comment tu peux faire ça alors qu'après tu peux avoir ça à faire. Rib, l'istibarad. C'est pour ça qu'il est venu marfou. Thumma yartasilu fihi. Al dhamma. Il y a des riwayas, il est venu majoum. Et des riwayas, il est venu mansoub. Car si tu mets majoum, mansoub, ça change de sens. Mais ce qui vient dans le Bukhari, c'est marfou avec la dhamma. C'est-à-dire qu'en fait, là, le fi'l yartasilu fihi n'est pas majoum sur la yabulanna. La yabulanna, c'est une interdiction. La yabulanna, c'est une interdiction. La nahi. Là, la yabulanna, elle est majoum. Bel, il est mabni à la fatah, fi mahal jazm. C'est qu'un untokid. Un untokid, il est mabni. Mais fi mahal jazm. À cause de la. Et. Thumma yartasilu fihi. Certains, ils ont dit thumma yartasil fihi. Ils ont mis ma'touf à la yabulanna. Il a cité le débat autour de ça. Vous voyez, parce qu'il mérite de rentrer un peu dans le langage arabe, c'est pas trop le sujet là dans ce livre. Mais que la version la meilleure, la plus authentique, celle-là, avec le Rof Dhamma. Taïeb. Donc il dit Mas'ala, Hukm Irtisali al-Junubi, Filmai al-Da'ibi. Le jugement du lavage de celui qui est Junub, c'est-à-dire un état de souillure majeure. Dans l'eau stagnante, l'eau constante. Il rapporta la parole de Nawawi dans son charh de Muslim, qui dit que lui, il dit qu'allah al-ulaba min ashabina wa ghayruhum yukrah al-irtisal fil ma araqid qalilan kana aw kathiran wa kadha yukrah al-irtisal fi ayn al-jariya. Faqala hada kulluhu ala karahati at-tanzih la at-tahrim. Que Nawawi et les ulama de Shafi'iyya, parce que Nawawi c'est le mazhab Shafi'i, il voit que là c'est une interdiction de karaha, une chose qui est en fait détestable et non pas interdite. Comme le fait également de se laver dans dans une source coulante, parce que la source c'est de l'eau qui est peu, ma'alouf, le ruisseau ou quoi, c'est de l'eau qui est de peu de quantité. En tout cas, le shir, hafizallahu ta'ala, il dit, on a appris comme base que c'est comme l'amr, yufidu al-wujub, l'impératif a un sens d'obligation, et l'interdiction a un sens également de délaissement en sens obligatoire, connotation obligatoire. Maintenant, ils ne sortent de leur origine qu'avec un indice qui indique que c'est makruh ou mustahab. Et là, Chiri dit qu'on n'a pas trouvé d'indice justement qui fasse que cette interdiction sorte de son côté absolu pour aller vers le côté détestable. Il n'y a rien qui l'indique. Donc on reste sur la base que c'est interdit. Et c'est tahlim, c'est haram, c'est illicite. On n'a rien qui indique que ça sort du tahrim. Donc l'eau stagnante, il n'est pas permis d'y faire le rousse le janab. Ensuite, mas'ala. Hel yartafi'u al-hadathu idha irtasala fil ma'i da'im. Est-ce que le hadath s'en va si justement il se lave dans cette eau, l'eau stagnante? On dit qu'il le fait, par exemple. Est-ce que cela rendra son rousse valide? Est-ce que son rousse sera valide? Est-ce que ça veut dire le hadath, le janaba va partir par ce rousse? Ibn Hasm, il dit non. Il dit non. Il dit que ça ne s'enlève pas. Après, il cite à différents avis. Différents avis. Et il dit, la licence, à chaque fois, les khilefs n'ont pas tous cité, tu vois. C'est pour ça que les khilefs, tu vois, ils n'ont pas beaucoup de feuilles là derrière, juste pour ceux qui veulent vraiment connaître la vie. Mais le but, c'est d'arriver vraiment à l'action, à l'application. Mais celui qui a plus de temps et de connaissances, quoi. Là, ben, nous, on sait qu'il y a une divergence, tu vois. Là, c'est la divergence. Ceux qui veulent chercher, ils cherchent. On a affiché. Là, on ne veut pas faire un tafsil. Il y a des masailles, le tafsil est important de citer, et d'autres fois, ce n'est pas la peine. Et surtout, des fois, le tafsil viendra dans un autre chapitre. Donc, il dit que la parole la plus juste, c'est que justement, le hadith, son état janaba, il s'en va. C'est-à-dire que si jamais il le fait ce rousl, il sera tahir. Que l'eau soit une quantité moindre de deux kulla, de deux jars, ou alors plus. Ou que même si l'eau a été utilisée, parce que c'est un truc qui va arriver pareil aussi, l'eau déjà utilisée, l'eau qui a déjà été utilisée pour du wodo ou un rousl, est-ce que cette eau-là, elle ôte l'impureté. Ça va venir, Inch'Allah, dans le hadith de Maïmouna. Quelqu'un d'autre utilise le même mot. Le même mot que lui. En même temps ou après ? Même après ou en même temps ou après. Une eau qui a déjà été utilisée. Ça va venir dans son chapitre. Donc certains voient que justement, le fait que l'eau est utilisée, il y en a, ils voient que ça annule. Ça ne rend pas le rousl valide. Donc le chir, il dit, nous on voit, on reste sur la base, c'est quoi ? C'est que l'eau, tant que ses caractéristiques n'ont pas changé, couleur, goût et odeur, à cause d'une impureté tombée dedans, l'eau reste tahour. Moi, ce qui me pose problème dans cette mas'ala, c'est comme on l'a appris, at-tahrim yaktadi al-fasad. Moi, c'était juste par rapport au fait que l'eau était tahrim bizadihi. Bah là, c'est ça. Et c'est ça pourquoi je voyais que plus que pour l'Ibn al-Hazm, je voyais que là, ça narre, parce que ça, c'est pour que ton rousl soit valide et pour que ton eau soit valide. Mais c'est aslan, pour l'instant. L'eau, elle est valide, l'eau. Si tu dis qu'elle n'est pas, c'est tahrim, parce que. Non, ce qui est le tahrim, c'est de faire ça. Mais personne n'a dit que l'eau n'est pas bonne. L'eau, elle est bonne. L'alma est d'aim, c'est l'eau qui est stagnante. Le hadith vient de l'interdiction de faire un rousl dans une eau qui est stagnante. Tamam. Et d'autres hadiths, le fait d'uriner aussi dedans, ça va venir. Il y en a, ils disent, et si on le fait quand même, est-ce que cela va en rousl valide ou pas? C'est ça la divergence. Voilà, le chien dit que, non, le rousl est valide. Ah là, je vois pas le djem mountak kafir. Ouais, le tahrim de faire son. Parce que là c'est cité le fait de faire le rousl dans de l'eau d'aim. Là, c'est lié. C'est pas mountak kafir, c'est lié ensemble. Ça rentre pas dans l'exemple qu'on a cité sous le fiqh. Sous le fiqh, on a parlé de quoi? Le fait de mettre, de cacher la awra, un imama de soi. Non, mais Salam n'a pas dit que la awra, elle n'est pas cachée si tu mets un imama de soi. La imama en soi, en fait, le vêtement en soi, il est interdit pour lui-même, d'un côté. Et la aura, elle doit être camouflée d'un autre côté. Mais on n'a pas dit que si tu l'es deux, c'est pas compté. Alors que là, le hadith dit bien, le rousl, dans le maïdaïm, donc là, c'est muttasil. Là, c'est lié. Donc c'est ça, moi, ça me pose problème, ce qu'on a appris comme règle, que, at-tahrim, yaktadi al-fasad. Une chose qui est interdite, amène à son annulation. Elle n'est pas valable. Mais là, aucun des calls qu'on testait n'amène avec cette règle-là. Donc, peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé, tu vois. C'est ce qu'on aurait dit. Les ulama, ils se disent, je pense que peut-être Ibn Hazm, il voit ça, lui. Ibn Hazm, qui voit que que cela n'annule pas, n'enlève pas, n'ôte pas la pureté, tu restes toujours en janaba pour lui. Tu es toujours junub pour Ibn Hazm. Et c'est le call qu'en balance sur les corvettes qu'on a pris que j'aurais pris. Bien que c'est vrai qu'à la base, l'eau, elle est en soi, elle est. Voilà. Mais là, on a un dalil tarsis de ne pas le faire. Comme la tasomu yom el-id. Ça veut dire quoi, ce somme-là, ce jour-là, il est invalide. Et bien là, c'est pareil. La yasil ahadukum fil ma'a da'im. Voilà. Si il y a un élément qui m'est échappé, on verra en tout cas. Quoi qu'il en soit, je donne ce que le shir donne dans le livre là. Non. Euh Ensuite, mas'ala hukm at-tabawwul fi al-ma'i ad-da'imi. Le fait d'uriner dans l'eau stagnante. Al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit que si l'eau est de grande quantité et stagnante, que lui et ses ashab, c'est-à-dire les gens de Shafi'iyya, voient que c'est détestable et non pas illicite. Et si on disait que c'était illicite, ça ne serait pas non plus surprenant. On ne serait pas loin de dire ça également. Car justement, tiens, ici la règle, An-Nahi yaqtadi al-tahrim ala mukhtar al-muhakkikin wal-aktharin min ahli al-usul. Que le fait, l'interdiction, implique que c'est cela devenu illicite. Donc après le shir dit, en effet, cela vient au côté de tahrim. C'est également l'avis des Hanabila, des Zahiriya. Et cependant pour la preuve du hadith, la yabulanna ahadukum. En plus là c'est nahi shadid avec nun tawkid. Vraiment faut pas le faire. Tu vois, vraiment faut pas le faire. Et il cite que les Malikiyas, ils voient que cela est détestable, que l'eau soit en petite ou en grande quantité. Ensuite, il met en évidence un point important, sur lequel il y a Shibh Ijma'. Le seul qui a khalaf, là c'est Ibn Hazm. Il dit, إِذَا كَانَ الْمَاءُ مُسْتَبْحَرًا كَثِيرًا جِدًّا فَقَدْ نَكَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِجْمَاعَ عَلَى خُرُوجِهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ. C'est-à-dire que si l'eau vraiment elle est en une quantité immense, mustabhara, ça veut dire une chose qui est grande, ça peut être un grand lac, un grand étang, tu vois, qui a ijma' que le sujet sort, que cela sort du sujet. C'est-à-dire que si l'eau, par exemple demain tu as un grand lac, quelqu'un il vient, il s'enroule dedans, ma fait mouchkila. Ou qu'il urine dedans pareil. Et il dit que Ibn Hazm, lui, il a khalaf cet ijma'. Et pareil, le Bassam, il cite le même ijma'. Que ijma' que l'eau qui est en grande quantité, quand même, ne rentre pas dans le sujet. Donc demain, tu vois un lac, comme on dit, un étang ou un lac, vraiment une grande étendue d'eau, tu peux faire ton rousse dedans, janaba. Ensuite, il s'y mas'ala hukm al-tarawwut fil ma'i da'im. C'est-à-dire le jugement de faire les grands besoins dans l'eau. Les excréments. On a cité l'urine, maintenant on cite les excréments. Donc c'était une parole de Nawawi dans Sharh Muslim. Il dit que justement l'excrément dans l'eau est comme l'urine, voire pire encore. Car l'excrément c'est encore plus répugnant. Encore plus répugnant que l'urine. Parce que l'urine, elle peut être khafifa, comme celle de l'enfant. Le jeune garçon qui est allaité, son urine, elle est khafifa. Ama le raït, il n'y a pas de, khafifa. Excrément, il n'y a pas de khafif. Donc il dit cela est répugnant. Et qu'une personne n'a contredit cette parole, hormis Daoud ibn Ali al-Zahiri. Et lui, il voit que l'interdiction n'est venue que pour l'urine, donc on reste sur l'urine. Eux, en fait, ils ne voient pas le qiyas. Là ou là, personne. Non, lui voit que tu m'as affiché, tu peux faire tes excréments dans faire tes besoins dans Daim. Il n'y a pas de Daim, il va te dire. En fait, les Zahiriya, Ibn Hazm, tout ça, ils ne voient pas le qiyas. Eux, c'est Dalil. Il n'y a pas de qiyas pour eux. Dalil, Qatir, Fakat, et une masala qui passe dans un texte, on ne l'apprend pas. Et ce qui est surprenant de quelqu'un comme Ibn Hazm, c'est qu'avec ça, il est déjà mis dans l'Aqidah. Il renie l'asma wa sifat. Dans les textes, il prend l'apparent des textes, mais dans l'asma wa sifat, il rejette l'apparent des textes. Le ulama, c'est surprenant de sa part. Tu le vois dans le fiqh, il est à cheval, comme on dit, très strict sur le côté apparent du texte, et pourtant, là où l'apparent est le plus important, il le délaisse. En tout cas, les Zahiriyah, ils voient que eux, tu peux faire de tes grands besoins dans l'eau d'Aïm. Ils disent qu'il n'y a pas de dalil. Comme eux, ils ne voient pas le qiyas. Ils ne voient pas le qiyas. Donc il est certain là qu'il apparaît que si l'urine est interdite, par les excréments, à plus forte raison, ils vont l'être. Voilà, à plus forte raison, ils vont l'être. Ensuite, il dit le jugement de fait d'uriner dans l'eau courante, maintenant. L'eau qui est courante, pas celle qui est stagnante. Il cite pareil la parole de Nawawi dans Sharh Muslim, qui dit que si jamais l'eau est courante et de grande quantité, le fait d'uriner dedans n'est pas interdit. Mais le meilleur est de l'éviter. Al-awlaishinabu, comme on parle. Et si l'eau est de peu de quantité, il voit que cela est makruh, de Mazhab Shafi'i. L'eau est courante, mais elle est de faible quantité, un petit ruisseau ou un truc comme ça, ils disent c'est makruh. Car cela salit l'eau. Ça la salit l'eau. Attends, il y a un truc là. L'ilan jayarien fait code. Kolam, nisam, l'ikoral, mukhtar, anou. Afon, Nawawi, Afon, je rectifie, j'ai pas plus du passage. Nawawi, il voit que c'est haram de ruiner dans l'eau de petite quantité, même si elle est courante. D'accord ? Car cela la salit et la souille, c'est-à-dire la rend impure. Ça la salit et ça la rend impure. Et le shia dit que la parole de Nawawi, elle est à rejeter, car elle contredit l'ahadith qu'on a pris précédemment. Que l'eau, quelle que soit sa quantité, hein, si sa couleur, son odeur et son goût ne changent pas, voilà. Et l'eau qui coule, elle coule. Ça veut dire ça part, ça reste pas. Comme dans le hadith d'il kullatayn, des deux jarres. Et ensuite, tu cites un khilaf par rapport à ça. Donc, le khurasa, c'est qu'il n'est pas permis de faire le rousse dans une eau stagnante. Encore moins d'uriner dedans. Et en plus de faire le rousse derrière. Ça veut dire, il est interdit de faire le rousse dedans. Interdit d'uriner dedans et interdit de faire les deux. D'accord ? Interdit de faire les deux. Par contre, on a dit que si l'eau est moustabhar, c'est une eau de grande étendue. Celle-là, elle n'entre pas dans le sujet. Elle n'est pas concernée. Ce n'est pas concerné. Mafhoum hadha? Tayyib, fa'ilawna, walhamdulillah bil alamin.